Hier, Sayado a parlé des trois chemins qui mènent à la purification, Kama, Jhana qui mène à l'absorption et Jnana qui mène à la compréhension et à la sagesse. Sayado a aussi parlé de la générosité, Dana et Sila, la moralité. Hier, Sayado a parlé de la façon de faire des dons, de faire des Dana. Lorsque nous comprenons que les bénéfices de faire des dons ou des danas et que c'est une action basée sur une intention bonne et que l'action bonne va donner des résultats bonnes, alors nous comprenons que c'est avec cette fondation-là qui mène à la pureté. Parami est la façon dont les gens se comportent pour avoir des bonnes actions. La façon dont ils se comportent pour avoir des bons résultats. Les actions qui sont la cause ou qui sont la source pour devenir excellent ne peuvent pas se faire sans intelligence ou lorsque la personne est faible ou a une faible foi ou intelligence faible. Les actions qui mènent à l'excellence d'une personne, que ce soit par Dana, Sila, ou par metta ou pekka, l'équanimité. Ce sont pour perfectionner les paramis. Ils sont faits non pas pour bénéficier à soi-même, mais pour le bénéfice des autres. Lorsque c'est fait sans attente pour des bénéfices pour soi-même et pour des bénéfices pour les autres, et dans le but de se libérer, de la libération. Les personnes qui ont une faible compréhension de cette façon de se comporter le feront pour eux-mêmes, feront des danas pour eux-mêmes, pour leur propre bénéfice. Lorsqu'une action est faite dans le but de gagner en célébrité ou pour obtenir des bénéfices matériels pour soi-même, il ne mène pas à la perfection des paramis. Qui peut faire ces actions pour atteindre la perfection des paramis? Ce sont des gens qui ont déjà des mérites. Ils ont une attitude de metta, de karuna et de bonne intention envers les autres. C'est une attitude d'amour bienveillant, metta, de karuna, compassion envers les autres. Maintenant, regardez en vous-même. Venez-vous pour vous-même? Ou venez-vous pour d'autres personnes? Pourquoi venez-vous ici au centre? Le Bouddha a dit que les gens sages restent en compagnie des gens sages ou cherchent la compagnie des gens sages. En fait, le Bouddha, avant d'atteindre les paramis de façon complète, avait déjà en lui toutes les attitudes. Mais avant que le Bouddha puisse enseigner, avant qu'il ne puisse aider les autres, il n'avait pas encore toutes les connaissances. Il avait les conditions en lui, mais il n'avait pas encore toutes les connaissances pour l'enseigner, les enseigner aux autres. Mais il a entrepris d'atteindre tous les paramis, l'excellence des paramis, pour le bénéfice des autres, pour la libération des autres. Il ne l'a pas fait juste pour lui-même. Donc, si vous demandez à Sayado pourquoi pratique-t-il, il va vous dire pour lui-même. Tout ce que Sayado fait, que ce soit de donner des tamatoks ou d'enseigner le pali, il le fait pour lui-même. Vous le faites à temps partiel et lui le fait à temps complet. Même si une personne est sage, même si elle est bien, elle doit aussi le chercher pour elle-même. Ainsi, le Bouddha a dit que la personne que nous aimons le plus, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire pour des raisons de sécurité, par exemple. Est-ce que vous devez faire attention d'abord aux autres ou déjà vous occuper de vous-même? Donc, lorsque vous vivez bien, lorsque vous vous comportez bien, c'est parce que vous aimez vous-même déjà, d'abord. Donc, par exemple, pour la moralité, lorsque vous maintenez Sila, c'est pour votre self-control, d'abord pour vous-même, mais également cela permet de protéger les gens autour de vous. En vous contrôlant vous-même, vous permettez à l'environnement autour de vous d'être protégé aussi. Sayadou explique tout cela parce que j'avais vu son nom pour le Dana du lunch aujourd'hui, et donc c'était pour expliquer. Concernant les paramis, il y en a 10. Aujourd'hui, Sayadou va... Enfin, il y a Dana et Sila. Et Sayadou va plus parler de lundi 2. Donc, Dana est l'acte de donner quelque chose que nous possédons. Les gens pensent qu'en donnant, on ne l'a plus. C'est parti. En fait, c'est comme planter des graines. Lorsque vous donnez, vous recevez beaucoup plus de résultats que ce que vous donnez simplement. Hier, Sayadaw a dit que lorsque nous faisons acte de générosité, que ce soit avant, pendant ou après, nous devons ressentir ce sentiment, le fait d'être heureux. Lorsque vous donnez, est-ce que après tout s'arrête? Non, il y a Ketana, l'intention qui reste dans le courant de la conscience. Donc, même si l'esprit et la matière apparaissent et disparaissent tout le temps, ce qui reste, c'est Chetana. Ça reste en termes de potentiel. L'intention reste. Par exemple, pour un arbre qui a des fruits, lorsque le fruit tombe, il y a toujours le potentiel, il y a encore le potentiel que cet arbre donne d'autres arbres. Il y a le potentiel que ça grandisse en tant que graine. Lorsque vous regardez la graine des fruits, ils contiennent le potentiel pour un autre arbre. Et lorsque les conditions sont réunies, lorsqu'il y a de l'eau, du soleil, les conditions qui supportent ou qui sont bonnes pour que l'arbre puisse grandir, la graine a le potentiel pour donner des fruits doux, sucrés ou acides. Et il va donner un type de fruit. Donc, lorsque vous pratiquez Kusala, les actions sans reproche ou les actions pures, vous générez des résultats bons. Actuellement, les yogis pratiquent la méditation, pratiquent Bhavana, avec l'effort d'observer chaque objet qui apparaît et disparaît, et cela va laisser des graines positives. Donc, le fait que vous veniez aujourd'hui, actuellement pendant cette retraite, ne vient pas d'une façon soudaine. C'est que vous aviez en vous le potentiel qui est des actions dans le passé. Donc, lorsque nous faisons une donation ou un don dans cette vie-ci, quel résultat allons-nous avoir? Nous viendrons les résultats dans cette vie-ci et dans la vie future. Le premier bénéfice de faire une action positive est de recevoir déjà l'affection des gens. C'est le premier bénéfice de Dana, le fait de donner ou l'acte de générosité, pas seulement par les gens, les animaux aussi aiment qu'on les nourrisse. Pourquoi les donneurs reçoivent l'amour des gens qui les reçoivent? C'est parce que ceux qui donnent sont contents lorsque les gens sont contents de recevoir, ou lorsque ceux qui reçoivent souffrent, et dans ce cas, leur acte de donner les soulage. Par exemple, un chasseur, lorsqu'il va en forêt, les gens vont savoir qu'il va pour chasser. Donc les gens vont avoir peur, ressentir de la peur quand ils voient la personne aller chasser. Par exemple, en Birmanie, je ne sais pas si c'est la coutume ici, mais en Birmanie, il y a certaines personnes qui mangent de la viande de chien. Et les chiens le sentent. Lorsqu'ils voient ces personnes-là arriver, les chiens s'enfuient quand ils sentent ces personnes s'approchent d'eux. L'opposé est aussi valable. C'est-à-dire, en Birmanie, il y avait un moine qui vivait seul en forêt, dans une zone dangereuse où il y avait des tigres et d'autres animaux sauvages, et malgré tout, ces animaux le laissaient tranquille, parce que ce moine vivait avec Metta Bhavana et Bhavana. Les gens peuvent vivre ensemble avec l'amour bienveillant. Donc, lorsque nous pratiquons Metta Bhavana, qui est une des quatre méditations de protection, où que nous vivons en paix. Que nous vivions en forêt ou ailleurs, n'importe où. Les gens peuvent se demander est-ce que cette personne va les frapper ou pas lorsqu'ils voient quelqu'un. Donc les gens observent les autres, mais il faut aussi se regarder soi-même. Est-ce qu'on est un danger pour soi-même ou est-ce que l'autre personne est un danger pour nous potentiellement? Le second bénéfice de Dana, de l'acte de générosité, c'est que les gens sages s'approchent de ces personnes. Les personnes qui sont radines ou qui ne donnent pas, il y a peu de gens qui viennent auprès d'eux. Alors que les gens qui sont généreux, il y a toujours des gens autour d'eux qui viennent autour d'eux. Lorsque vous donnez, ce n'est pas seulement pour le bénéfice de l'autre personne, vous en bénéficiez également. Les gens bien pensent seulement à donner, ils ne pensent pas à prendre. Donc pour les gens bien, les gens qui approchent les gens bien viennent pour leur donner quelque chose, par exemple pour leur enseigner, pour enseigner le Dhamma par exemple. Donc vous pouvez seulement obtenir des bons résultats d'être généreux. Ce ne sont pas seulement les gens, ce sont aussi des animaux. Les animaux qui reçoivent, eux aussi vont s'approcher des gens bien parce que ils savent que ces gens vont leur donner. Le troisième bénéfice de l'acte de générosité de faire Dana, c'est que nous avons une bonne réputation sans devoir faire aucune publicité. Il n'y a aucun besoin de parler vous-même de ce que vous faites. Les autres vont dire « cette personne est vraiment très généreuse ». Par exemple, aux États-Unis, Bill Gates a cette réputation-là de donner généreusement. Il n'a pas besoin de publicité pour parler de lui. Le quatrième bénéfice, c'est quel que soit le groupe de personnes qui vous approchent, ils s'approchent de vous sincèrement. Ceux qui ne font aucun acte de générosité ne seront pas approchés par ce genre de groupe. Donc, lorsque les gens donnent avec cette intention pure et avec l'amour bienveillant, ils reçoivent le compliment des autres et il n'a pas besoin de dire lui-même et où qu'il aille, il va sans danger. Et il est sûr d'aller dans des plans d'existence positifs parce que il a fait acte de générosité. Donc, jusqu'à combien recevons-nous les bénéfices de Dana? C'est vie après vie jusqu'à ce que nous atteignions Nibbana. Et nous nous sentons bien parce que ça résulte de ces bonnes actions. Nous ne nous sentons pas inférieurs dans cette vie-ci et dans les vies futures. Donc, si nous vivons bien dans cette vie-ci, dans cette vie présente, et que nous avons suffisamment de quoi vivre, c'est parce que c'est la résultante des actes de générosité dans les vies passées. Donc, le fait de faire des dana nous donne l'opportunité de faire sila et de pratiquer bhavana, la méditation dans cette vie-ci. Donc les yogis ont pratiquent. Est-ce que vous pouvez pratiquer pendant 2 mois? Si vous ne pouvez pas, alors pourquoi? Qu'en est-il de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Sinon, pourquoi pas? Donc si Sayadaw veut vous le donner, veut donner des enseignements, est-ce que vous viendrez ici pour pratiquer? Certaines personnes ont seulement l'opportunité de venir cette fois-ci. Et ça, c'est déjà la résultante de Dana passé. Est-ce que les chiens, enfin chez vos amis, vous approchent? Le fait que les chiens vivent confortablement dans les maisons chez les gens, c'est aussi résultante de leur passé. Donc ils vivent même dans des endroits où vous-même, vous ne savez même pas comment accéder à ces endroits si confortables. Ah, et il y a des chiens qui vivent avec des colliers autour du cou. Ça n'a rien à voir avec le dana passé, mais c'est plus en lien avec la moralité. Dana n'est pas le seul élément pour rendre votre vie complète. il y a aussi la moralité. Même si la situation des chiens qui vivent dans des maisons confortables est bien, ça reste quand même une condition de chien. Ils reçoivent la nourriture des gens et ils reçoivent la nourriture pour chiens quand même. Ils ont l'existence quand même de chiens avec un collier autour du cou parce qu'il y a eu dans les vies passées un manquement au niveau de la moralité. Le dana donne des bons résultats. Le fait que au niveau de la moralité, il y a eu des fautes, il mène quand même une existence de chien. C'est parce que nous avons accompli cela dans les vies passées que nous sommes devenus humains. Mais il y a aussi des humains qui ont une vie courte ou qui ont une vie longue mais avec beaucoup de maladies. Cela est dû à la faiblesse des Scylla dans le passé. C'est parce que Sayadaw veut obtenir des bons résultats qu'il a fait Dana aujourd'hui. Mais nous ne devons pas nous comporter comme cela, c'est-à-dire donnons un Dana pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas comme ça. Sayadaw dit qu'il veut faire un dana pendant les 3 prochains mois, si vous venez pratiquer. Puissiez-vous réaliser Nibbana personnellement à travers les actes de générosité et à travers les actes de moralité.